Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousu main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « La République et les croyants », une série de Catherine Escrive réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a l'idée qu'il faut parler des religions et pas seulement de la religion musulmane, et entendre ceux et celles qui croient et qui veulent faire cohabiter leur foi avec les principes républicains, même quand ils sont à l'hôpital. Alors pour commencer, les personnages. Des malades qui veulent du soutien, un directeur d'hôpital, une pasteur embauchée, une médecin en soins palliatifs, un aumônier juif épris de laïcité, un prêtre formateur et un aumônier musulman qui a changé de voie. Ensuite, le décor. Une chambre d'hôpital, une bible dans un tiroir, des règlements, des couloirs, la peur du prosélytisme, un cloître, un pavillon, la mort et la maladie. Aujourd'hui, dernier épisode, on arrive en rééducation. C'est du couloir à gauche. Ils étaient partis. Ça va, mais c'est pour vos bras. Non, moi, ça fait du bien. Ça fait partie de la rééducation. Donc on est un peu utile quand même. Ah mais bien sûr, tant qu'on n'est pas sous fauteuil, c'est toujours utile. Et là, c'est là où c'est le... C'est le restaurant, c'est là où on prend le petit déjeuner le matin. Bon, moi, je prends encore au lit le matin, le petit déjeuner, parce qu'il ne me lève que vers 11h. Francis, on est dans votre univers ici. On est où? À l'hôtel, dans la chambre numéro 7. En service de rééducation neurologique. Vous êtes arrivé? Bon, moi je me suis défenestré du quatrième étage le 22 juillet 2017 avec 5 vertèbres de cassé, le bassin cassé, puis un grave traumatisme crânien. Donc ça fait à peu près combien de temps que vous êtes hospitalisé là? 10 mois. Alors vous avez accepté de témoigner dans le cadre d'une émission sur les aumôneries d'hôpitaux. Ça signifie que vous avez dû ici rencontrer un visiteur, un aumônier, qui vous a beaucoup apporté? Ah oui, oui, complètement. Ils sont complémentaires de la famille. Hein. Le prêtre, les personnels d'aumônerie ont vraiment leur place ici et un rôle important. Moi, j'ai de la chance d'avoir de la visite, mais ce n'est pas le cas de tous les patients. Et d'avoir au moins l'aumônerie et le prêtre, c'est quand même vachement important pour pouvoir continuer à pratiquer sa foi. Puis ça aide aussi dans la guérison, je pense. Moi, ça m'avait apporté énormément, en tout cas. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Eh bien, ça m'a renforcé dans ma foi. Déjà, de par ma chute, je suis toujours vivant. Et le fait de pouvoir se confier au prêtre, ça m'a énormément renforcé dans mes croyances religieuses, en fait. Vous êtes catholique? Oui, catholique pratiquant. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez pu rencontrer l'aumônier d'ici? Alors, c'était tout au début, mais je perdais encore pas mal la tête avec mon traumatisme crânien. Puis j'étais bien shooté aux médicaments aussi, notamment la morphine. Non, je me souviens pas, je dirais. Je suis arrivé ici, moi, fin septembre. Je pense que je l'ai rencontré quasiment dans le mois qui a suivi, grâce à une personne justement qui était croyante. On parlait de religion ensemble. Et c'est elle qui m'a conseillé de me rapprocher du Père Baudouin. Francis, au début, quand il est arrivé, le Père Baudouin, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez prié avec lui? On a prié tout de suite, oui. Oui, oui. Mais moi, j'attends beaucoup d'eux, c'est surtout au niveau de la prière. Prier ensemble, on dit toujours, les croyants catholiques, que quand on prie à deux, le Seigneur est toujours avec nous. Quand on prie tout seul, c'est moins évident. On peut soit prier dans ma chambre. Hein. Ici, à l'hôpital, vous avez reçu certains sacrements? Oui, oui, oui, sacrement du pardon, sacrement du malade. Et puis certainement d'autres encore, mais je ne me souviens pas forcément des débuts. Et cette pratique de votre foi, elle se fait essentiellement dans votre chambre, dans cet espace qui est à vous? Oui, oui, oui, mais ça m'a demande en fait. Je pense que pour se recueillir, il faut être calme, il faut être dans un univers qui nous est familier. Comme à l'extérieur, dans une église, on a toujours nos repères. Bon, ben là, c'est dans la chambre où on trouve nos repères et le calme nécessaire à la prière. Ils viennent vous voir à quel rythme à peu près Toutes les semaines. Toutes les semaines, le lundi, c'est Aymeric, le mardi, c'est Philippe, le jeudi, c'est Fabiola, Clara, les trois femmes africaines, dont je ne me souviens plus leur prénom. Le vendredi, je cherche un signe religieux dans votre chambre, mais je n'en vois pas. Ils sont là, ils sont dans mon tiroir, parce que je suis très envahissant sur ma table. Et avant, je mangeais le soir dans ma chambre. Avec le plateau, il n'y avait pas beaucoup de place. Si vous voulez ouvrir le tiroir, là, le tiroir du haut. Ils sont cachés. Non, ils ne sont pas cachés, ils sont à ma portée de main quand je suis au lit. Il y a deux chapelets. D'accord. Bon, vous les voyez ? Oui. Ouais. Et un petit livre de prière. Voilà, tout à fait. Caché au fond du tiroir. Ouais. Vivre sa foi à l'hôpital. Catherine Escrive, Rafik Zénine. Avoir une vie spirituelle dans l'intimité d'une chambre d'hôpital. Échanger avec un ministre du culte à l'heure où la vie est dominée par la souffrance. C'est possible dans tous les hôpitaux publics français. Et ceci en vertu de l'article 2 de la loi de 1905. Les textes précisent que les directeurs d'établissements hospitaliers doivent veiller au bon fonctionnement des aumôneries, ou en créer en cas de besoin. La loi de séparation des églises et de l'État a donc posé une exception à l'interdiction de financer l'exercice des cultes. Et cela dans un but bien précis. Permettre le libre exercice de leur religion aux usagers des services publics vivant en milieu clos. Comment patients, soignants et aumôniers vivent-ils concrètement l'application de cette loi de la République ? Centre hospitalier de Melun-les-Mureaux, en région parisienne. Père Baudouin, quand on est en situation de grande souffrance, est-il si évident de faire la différence entre un besoin psychologique et un besoin spirituel ? Souvent, tout est très lié, non ? À quel moment intervenez-vous ? Bah, tout est lié, c'est vrai, et puis je dirais, bon, on est corps, esprit et âme, et c'est un tout, on est une seule personne. Les soignants sont plus à l'écoute du corps, mais qu'en lien avec les soignants, moi je me situe, alors il y a du psychologique, je me situe d'abord sur dans une attitude d'écoute. Donc ma première mission, c'est d'écouter, et sur ce chemin de l'écoute, d'être signe de ce Dieu qui pardonne. Alors bien sûr qu'on touche plusieurs domaines, et on touche entre autres du psychologique, hein, mais ça c'est clair. Hein. Deux aumôneries, l'une catholique, l'autre musulmane, sont implantées au sein du centre hospitalier de Melun-les-Mureaux. Frédéric Mazurier en est le directeur. L'aumônier, c'est un agent public à l'hôpital. Quelles implications concrètes cela a-t-il au sein de l'établissement au quotidien ? En gros, il y a des choses qui sont autorisées pour l'aumônier, puis des choses qui sont interdites. Alors, c'est un agent public comme les 1200 autres agents dont je m'occupe. Donc, il est soumis au pouvoir disciplinaire du directeur. Bon, je suis pas derrière lui, je suis pas à lui dire ce qu'il doit faire. Je ne vérifie pas ses horaires, il organise son temps comme il l'entend. Par contre, si dans son comportement, il faisait acte de prosélytisme, de volonté de convertir des gens, de donner des informations par rapport à des cultes, ou de faire des cérémonies religieuses sans que j'en sois informé ou sans que ça soit autorisé par l'administration, là, il enfreindrait le fonctionnement du service public. Ça veut pas dire que c'est pas possible, mais ça veut dire que ça doit être exercé de manière concertée. En tant qu'agent public circulant dans les soins, il a un badge. Il doit être identifié comme tout agent public, hein, donc il y a son nom et son prénom. Il a une blouse. Il est salarié de l'établissement. Chacun m'a fait part d'un bilan d'activité. Ils sont conviés régulièrement à la commission des usagers. Ils sont venus présenter leur leur pratique et ils font l'objet d'une note de service, ils disposent d'une boîte mail, de moyens téléphoniques. Donc ils sont contactables, joignables, ils circulent dans les services. On n'a pas les moyens de leur donner des locaux spécifiques ou distincts, mais ils circulent librement dans l'établissement. Alors après, c'est eux qui vous l'expliqueront. Je pense que il peut y avoir un contact spontané de la part des familles ou des patients eux-mêmes, ou quand ils interviennent dans un service, ils passent par la salle de soins, ils voient s'il y a des demandes particulières qui sont exprimées et ils se présentent au niveau des patients pour qu'il y ait un contact qui puisse être... Voilà, le patient restant toujours libre au moment où il le souhaite d'acter ou pas le rendez-vous. Par contre, c'est bien évidemment, le patient a le libre choix de contacter le ministre du culte ou pas. C'est l'aumônier de l'établissement, donc ce qui évite d'avoir des personnes extérieures, qui seraient des personnes religieuses, extérieures à l'établissement, et qui viendraient, sans que j'en sois informé ou j'ai un contrôle par rapport à ça, et qui viendraient, là, pour le coup, faire du prosélytisme. Concrètement, le travail d'aumônier, c'est avant tout un travail d'apprivoisement. Anne-Sophie Dantan, pasteur. C'est un travail lent, où on doit apprivoiser le lieu dans lequel on travaille, les gens qui travaillent, montrer qu'on n'est pas là pour faire ni prosélytisme ni conversion, mais qu'on est là pour cheminer avec, pour vivre avec. Moi, quand j'étais aumônier, je connaissais le chef cuisinier de la cantine de l'hôpital, le jardinier, le chef des travaux, aussi bien que l'infirmière ou le médecin le plus qualifié ou le directeur de l'hôpital. Et je crois qu'on est là pour travailler avec tout le monde. L'aumônier, c'est celui qui va essayer d'être comme un habitant du lieu, disponible. On n'a pas de temps imparti. On a finalement très peu de cahiers des charges. On se promène, on discute, on parle, on accompagne, on prend le temps. Il faudrait qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens formés à ce métier-là et beaucoup plus d'instances qui soient acceptées. Docteur Destré, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Donc, docteur Destré, je suis la responsable de l'unité de soins palliatifs depuis le 1er septembre 2017, unité qui a été créée en janvier de l'année dernière. Donc, on accueille une dizaine de patients venant de tous bords, mais surtout au niveau du 78. Là, on dépend du GHT Yvelines Nord, donc on travaille beaucoup avec Melun, Mantes-la-Jolie, Saint-Germain-Poissy et puis tous les domiciles des patients qui sont en situation palliative de leur maladie. Alors la présence des aumôneries est très importante dans le sens où ils apportent une valeur ajoutée non négligeable dans la prise en charge, sachant que ce qui nous importe, c'est la qualité de vie, le confort de nos patients, l'accompagnement des familles. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on reçoit quelqu'un, on demande toujours s'il y a des besoins spirituels ou religieux qui pourraient apporter un petit plus à la prise en charge, qui évidemment ne se résume pas qu'à des médicaments. Alors, tous les patients n'expriment pas ce genre de besoin, même s'ils ont été baptisés ou qu'ils ont une religion particulière. Ils vivent leur foi de façon très intime. Donc, il faut vraiment que ce soit un désir de leur part, parce qu'il n'y a pas de passage systématique de l'aumônier tous les jours à l'USP. Il vient uniquement s'il est appelé. Et s'il a initié une démarche avec un patient, à chaque fois, on revoit avec le patient s'il veut le revoir. Et après, c'est quelque chose qui se passe dans l'intimité de la chambre entre l'aumônier et le patient. Voilà. Après, sinon, nous, on est laïcs, donc toutes les religions sont les bienvenues. On a aussi des imams d'ordre, enfin, qui viennent voir les patients. On a toujours des référents au niveau de l'hôpital, soit du culte musulman, catholique, juif. Après, au niveau bouddhiste, c'est un petit peu plus délicat. On n'a pas de référents, donc c'est plutôt les familles qui nous amènent leurs propres référents. En tout cas, c'est un point qui est particulièrement important parce que on peut pas passer à côté dans la prise en charge. Donc voilà, on pose toujours les questions aux patients lors de l'accueil, s'ils sont en capacité évidemment de nous en parler, parce que des fois ils sont dans le coma ou ils sont trop douloureux, donc on s'attache d'abord à équilibrer la douleur, tous les symptômes inconfortables, réfractaires qu'ils peuvent présenter, et lorsqu'on voit qu'il y a un petit mieux, on ouvre toujours une fenêtre pour savoir s'ils ont besoin de quelque chose. Donc on peut leur proposer de la musique, décorer la chambre, amener des plantes vertes, leur chat s'ils souhaitent, mais parfois la présence de quelqu'un du culte peut les aider. Je suis persuadé qu'il existe un arrière-monde platonicien où sont élaborés les schémas de nos vies et que l'on peut parfois saisir obscurément à travers des intuitions ou des rêves. C'est là que je situe le réceptacle de nos prières et de nos élans vers la transcendance. Tout y est important. Tout y est juste. Il n'y a pas de puissant. Il n'y a pas de petit. Il n'y a pas de bon ni de méchant. Chacun dans son orbe y a une place. Quand les malades demandent à leur médecin, non qu'ils les guérissent forcément, mais qu'ils les comprennent et les entourent, ils attendent surtout qu'ils fournissent une explication, un sens à leur souffrance, à leur misère, à leur mort ou à celle de leurs proches. C'est ce monde qu'ils veulent entrevoir, celui du plan divin qui accompagne toute vie, celle du prince comme celle du gueux. Toute souffrance, toute mort, y trouve sa justification. Xavier Emmanueli, au seuil de l'éternité. J'estime une chose, c'est-à-dire que c'est ce que j'essaye de transmettre à l'ensemble de nos équipes, c'est qu'on doit on se prend pas pour Dieu, on se prend pas pour le médecin, et lorsqu'on sait pas, on dit je sais pas. Et lorsqu'on écoute quelqu'un souffrir et se plaindre, on l'écoute. Michael Journeau, aumônier général israélite des hôpitaux de France. Les gens ont surtout besoin d'écoute. J'aimerais simplement vous donner une anecdote qui revient très extrêmement souvent. Les gens n'ont pas besoin... c'est vrai que dans le culte juif, on nous a souvent assimilé simplement au respect de la nourriture cachère. Donc, grâce à Dieu, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que celles et ceux qui en font la demande, comme les végétariens, etc., il y a des barquettes de repas cachères que nous avons mis en œuvre, que nous avons créé, pour permettre à tout un chacun de pouvoir continuer à vivre leur foi à l'hôpital. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était une découverte pour très, très nombreuses personnes que, d'abord, bien évidemment, nous ne faisons pas de prosélytisme, en aucun cas, même à l'égard des nôtres, même à l'égard de nos co-religionnaires, jamais on tape aux portes en disant « est-ce que vous êtes juif ?» La blague des Likaku, « est-ce que vous êtes juif ?» Certainement pas, on attend la demande, et souvent, on est aussi appelé par nos collègues des autres aumôneries. Ça se passe d'abord dans un esprit d'exemplarité pour l'ensemble de la société. On travaille ensemble, que ce soit avec l'aumônerie musulmane, l'aumônerie catholique ou autre, ça marche très bien. Et donc on fait énormément de social, plus de social que de religieux. Donc chacun dans son domaine, si c'est un hôpital pédiatrique, alors bien évidemment, on a mis en place des choses pour s'ouvrir sur le monde. On n'est pas recroquevillé sur nous-mêmes. On organise dans différents hôpitaux pédiatriques, en particulier à Necker, enfants malades, mais aussi à l'hôpital Robert Debré, les fêtes juives des enfants, Hanouka ou Purim, la fête des Lumières ou la fête, ce qu'on appelle le carnaval, où on invite l'ensemble des enfants à être présents, leur distribue des cadeaux, les infirmières sont bien évidemment conviées, les médecins, etc. Et donc, voilà, c'est une sorte d'appel d'air, on accepte tout le monde, sans exception, sans exclusion, et que face à la souffrance et à la douleur, il n'y a pas de, voilà, ni couleur de la peau, ni religion. Et on a la chance et le bonheur, encore une fois, si je peux le dire, et je peux utiliser votre antenne pour le dire, de vivre dans un pays merveilleux, extraordinaire, la République est... française est belle et généreuse et grande, où tous les cultes sont représentés. Et peut-être au niveau de la société, peut-être on peut prendre l'exemple justement de la cohésion entre les différentes aumôneries qui travaillent main dans la main. On n'a aucun problème, aucun. Nous sommes complètement pour la laïcité, et la grandeur de la République, c'est justement de... La laïcité, c'est pas l'interdiction de la religion. C'est pas l'interdiction de la religion. Et c'est ça peut-être la contradiction, le dilemme, mais aussi le génie français qui permet justement aux patients, aux militaires, aux détenus de continuer à vivre leur foi dans la liberté, dans le respect des autres. Et effectivement, c'est la laïcité qui nous permet justement de vivre les uns, non pas à côté des autres, mais les uns avec les autres. L'aumônier apporte son secours à l'équipe soignante. Son action ne se fait pas au seul bénéfice du patient qu'il a demandé. Sa présence, par la dimension éthique qu'il porte, est enrichissante pour tous. Le projet spécifique de chaque culte doit permettre de se rendre proche de la personne fragilisée par la maladie, en respectant ce qui touche à l'intime de l'être, ce qui est source de souffrances difficiles à maîtriser et à saisir, de manifester, avec une considération adaptée à chaque personne, dans son caractère unique, l'attention d'une humanité solidaire, de veiller au respect de la dignité de chacun, personne malade, soignant et proche, dans l'expression de ses convictions, de ses options, de ses aspirations. Extrait de la Charte nationale des aumôneries, des établissements relevant de la fonction publique hospitalière. Circulaire du 5 septembre 2011. Aujourd'hui, on est toujours dans le cadre de cette même loi. Les textes d'application ont un petit peu changé et disent « Toute personne en besoin spirituel peut faire appel à l'aumônerie ». Alors c'est intéressant parce qu'on passe du besoin religieux, qui était le besoin de culte, à un besoin spirituel. Aujourd'hui, je pense que dans notre laïcité, on reconnaît qu'il y a effectivement un domaine qui est l'ordre du religieux, mais on reconnaît aussi que toute personne humaine, et ça, l'OMS aujourd'hui est très claire avec ça, l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi d'autres instances, que tout homme a une dimension spirituelle qui lui est propre, et que cette dimension spirituelle, elle est particulièrement affectée en temps de crise de vie. Et donc, dans ces situations de crise à l'hôpital, par exemple, ou en prison, ces personnes vont pouvoir faire appel au ministre des cultes. Alors, soit pour des besoins religieux, soit parce qu'il y a un certain nombre de questions existentielles, spirituelles, fortes, et qu'ils ont besoin d'interlocuteurs pour les travailler. Moi, alors, dans mon ministère d'aumônier, pendant les 12 ans de travail sur le CHU de Nîmes, j'ai été énormément sollicitée par des gens en demande d'accompagnement spirituel. Religieux aussi, mais aussi beaucoup spirituel. Et d'ailleurs, pas que des gens malades, mais aussi des soignants, mais aussi des médecins, parce que, ben voilà, la confrontation à des questions de vie et de mort, à des questions de soins compliqués, en réanimation, à l'arrêt de soins, à l'arrêt médicamenteux, enfin, toutes ces questions-là, toutes les questions éthiques que nous connaissons aujourd'hui, la sédation, toutes ces questions-là, elles demandent... En Suisse, on dit une anamnèse spirituelle. En France, on n'a pas vraiment de mots, mais en tout cas un travail de réflexion qui parfois nécessite de le réfléchir à plusieurs. Il y a, j'en suis persuadé, une dimension sacrée à notre corps. Comme le potier transforme la glaise en un objet fini, notre corps se transforme en sa destinée. Médecin, j'ai toujours cherché les clés de son langage, scruté les signes et les symptômes pour tenter de saisir ce que ce langage exprime. Je suis façonné par l'espérance, et je crois que ce que dit le corps n'est pas l'absurdité de la mort, mais l'envoler vers quelque chose. Vers une sorte de transcendance, vers sa véritable dimension qui n'appartient pas à la matière. Xavier Emmanueli, au seuil de l'éternité. Khadija, vous êtes ici responsable de l'aumônerie musulmane à l'hôpital Cochin et vous vouliez nous présenter deux usagers de l'hôpital dont vous êtes occupée. Alors, cette jeune femme... C'est Marwa, qui a été hospitalisée depuis novembre à l'hôpital Cochin. C'est une dame qui est venue du Mali et qui était ramenée en Libye. Et après, elle a traversé les frontières pour arriver en Italie et elle s'est retrouvée en France. Et très, très malade. Et c'est l'aumônerie catholique qui me l'a proposée de la visiter, et puis depuis novembre je la suis. C'est une personne qui est très malade et très très affectée par beaucoup de douleurs psychologiques et physiques. Alors madame, comment ça s'est passé votre rencontre avec Khadija? Vous vous souvenez la première fois? Oui. J'étais internée à l'hôpital Cochin. Et puis, il y a un monsieur qui est venu à l'hôpital en demandant que lui, il est chrétien. Si ça ne me gêne pas pour qu'il puisse venir me voir, ils ont, comme on dit ça. Donc, je lui ai dit non, comme moi, je suis une musulmane. Donc, s'il pouvait m'envoyer quelqu'un de ma religion, il a dit d'accord, il y a une dame ici qui s'appelle Khadija, je vais en parler à la dame. Dès qu'elle est venue dire à maman, même jour-là, elle allait me voir. En tout cas, le jour, elle venait me voir. Vraiment, sans elle, je ne savais pas. Je ne savais pas ce que j'allais faire, quoi. Parce que j'étais tellement désespérée, je ne savais même pas abandonner seule dans un hôpital. Pas de soutien, pas de parents à mes côtés, vraiment. C'était difficile pour moi. Mais dès que je l'ai vue, elle m'a envoyé une joie, vraiment, vraiment. Je sentais comme j'étais avec ma propre mère. Elle m'a soulagée avec les mots, avec les trucs, vraiment. Je ne sais pas comment la remercier depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Souvent, elle m'appelle, mais même elle me dit, Mawa, si tu as un problème, appelle-moi. Mais elle fait tellement beaucoup. Moi, j'ai honte même de l'appeler pour dire que j'ai tel problème. Vous saviez qu'il y avait ce service d'aumônerie? Non, non. Je ne savais pas. Et ça, vous avez été surprise? Oui, oui. Parce que quand moi je suis arrivée, la première fois que j'ai passé par l'Italie, j'avais peur quand je faisais ma prière, je me cachais pour prier. Donc j'ai pensé que peut-être comme c'était interdit, donc moi je ne savais pas, je ne m'attendais pas vraiment à ça. C'est un soulagement pour vous de pouvoir prier? Oui, oui. À l'hôpital? Oui, oui, oui. Surtout quand la maman est venue, je n'avais pas de nappe de prière. Elle m'a fait la nappe de prière. Elle m'a donné un Coran. Elle m'a même donné un verset. Quand je suis trop stressée, quand je lis le verset, ça me dégage un peu, ça me soulage. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Est-ce qu'il vous arrive de prier ensemble? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ce que je l'ai conseillé quand elle était hospitalisée, parce qu'à l'arrivée, quelques jours après son hospitalisation, elle a perdu sa maman. Et elle m'a appelée à 7h du matin pour m'annoncer et je suis passée la voir. Elle était complètement perdue, triste. Et je l'ai réconfortée avec les prières, avec les paroles de Dieu. Parce que on a beau parler et tout, mais des fois c'est très difficile de trouver les belles paroles. Et ces paroles-là, on peut les trouver que dans le Coran et avec des prières. Alors on a commencé à prier dans la chambre. Et après, quand elle est sortie de l'hôpital, elle est venue plusieurs fois dans mon bureau, elle était désespérée et je lui ai toujours dit « Marwa, prie, ne perds pas espoir envers Allah ». Et tout le temps, elle me disait « Mais j'en peux plus, pourquoi toujours encore ?» Elle me dit « Au lieu d'avancer, je m'enfonce. » Je lui dis « C'est une épreuve, garde la foi, prie, prie tout le temps, prie, invoque Dieu et j'espère qu'un jour, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, tu trouveras ton chemin et tu sortiras un peu de ce cauchemar et tu pourras vivre comme tout le monde. C'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui sont dans le désespoir. Père Derville, c'est vous qui m'avez parlé de Khadija. Ça signifie que vous avez des liens avec elle. Dans quel cadre pouvez-vous travailler avec elle, échanger? Khadija a des liens avec nous, effectivement, parce qu'elle est arrivée il y a une dizaine d'années sur Cochin. Et au début, il n'y avait pas encore d'imam ni d'aumônier musulman. Et donc la direction de l'hôpital, à sa demande, lui a proposé de se mettre en lien avec l'aumônerie catholique pour être un petit peu formé à la visite des malades et notamment à l'accompagnement des femmes en maternité, puisque c'était un peu son désir. Donc nous l'avons accompagnée, alors pas sur le plan strictement religieux, mais sur la manière de vivre une présence, de vivre une attention, une écoute. Elle a été formée donc un peu à nos côtés, puis elle a pu prendre son indépendance. Père Derville, nous sommes venus vous rejoindre au bureau des cultes. On a bien vu que 4 traditions étaient représentées et vous nous avez amenés dans ce cloître. Donc il est important peut-être d'expliquer aux auditeurs que la configuration même des lieux donne un vaste espace à la religion catholique ici. Alors effectivement, on est ici dans le cloître de Port-Royal, Donc un couvent au XVIIe siècle ici à Paris, qui est passé bien sûr à la Révolution dans l'escarcelle de l'État, est devenu assez vite, au début du XIXe siècle, maison d'accouchement. Et donc, voilà, l'Église catholique n'a plus la mainmise sur tous ces lieux. C'est l'assistance publique qui est propriétaire de ces lieux, mais qui ont été conservés, bien sûr, et c'est une chance. Mais il y a beaucoup d'autres hôpitaux en France qui ont été, en fait, repris par l'État. Il y a eu un phénomène de laïcisation. Mais il faut bien savoir que dans des temps plus reculés, c'était bien sûr les institutions chrétiennes qui étaient dominantes en termes d'accompagnement de la santé, de soins aux malades. Donc la Révolution a chassé un peu les religieux, puis surtout aussi la Troisième République. Donc il y a eu une laïcisation de toutes ces institutions chrétiennes qui s'est... Voilà. Donc de fait, il y a encore une présence forte des catholiques, je dirais, ou de la marque des chrétiens dans les hôpitaux. Mais c'est vrai qu'on est extrêmement extrêmement confiné, je dirais, dans ce vaste dispositif de l'hôpital public laïque. Ce qui est intéressant à l'hôpital Cochin, c'est justement qu'il y a quatre aumôniers de quatre traditions différentes. Et quatre cultes. Et quatre cultes. Oui. Comment êtes-vous installés concrètement? Comment travaillez-vous peut-être ensemble également? Alors on a la chance ici à Cochin d'avoir eu effectivement un programme de regroupement des cultes dans un même pavillon qui était disponible. Donc nous y sommes installés maintenant depuis un an et demi dans nos nouveaux locaux. Alors bien sûr, nous, l'aumônerie catholique est un peu plus nombreuse parce qu'il y a aussi plus de demandes de notre côté. Donc c'est essentiellement l'aumônerie catholique. Il y a une demande aussi beaucoup pour l'islam, notamment avec la maternité. Et puis après, effectivement, il y a une présence du pasteur et aussi un petit peu du rabbin. Quelle est votre approche à vous du rôle d'un aumônier au sein d'un établissement public dans ce dispositif laïque? Comment vous situez-vous? On se situe d'abord dans le cadre des textes réglementaires qui ont donc organisé le service des cultes. En fait, tout cela est arrivé dès les questions de séparation de l'Église et de l'État, quand il a fallu assurer la liberté de culte et de conscience, puisque c'est voilà la République est bonne mère de ce côté-là. Donc c'est pour assurer cette liberté du culte que on a mis en place les services d'aumônerie. Alors au départ, ça allait un petit peu de soi. Il a fallu préciser les choses, surtout dans les dernières décennies, et puis surtout avec l'augmentation du nombre de demandes du côté de l'islam. Les textes ont été de plus en plus précis pour expliquer un petit peu les possibilités de recrutement des aumôneries, d'organisation du fonctionnement des cultes. Didier Astorga, vous êtes ici pasteur de l'hôpital Cochin. Vous êtes pasteur de quelle église? Donc je suis pasteur de la Fédération Baptiste et ma paroisse elle est à Sevran actuellement. Ici on fonctionne en équipe. D'ailleurs je fais beaucoup de publicité pour l'aumônerie, pas pour mon aumônerie spécifiquement. Et parce qu'on est là, premièrement, pas pour notre religion, c'est pas une affaire de clocher, c'est vraiment, on est là pour les patients. Et on se doit aussi, en tant que collègue, d'être en équipe, et on est sollicité. Il y a des fois où, comme moi, s'il y a une urgence, j'habite loin. Il y a ma collègue de l'aumônerie catholique qui habite juste à deux rues de là. Donc je l'appelle, je lui dis « Elisabeth, est-ce que tu peux faire un saut, aller voir un tel monsieur ?» Voilà, et en attendant que j'arrive. Voilà, donc on se relaie comme ça, ça arrive. Jonathan Krief, vous est-il arrivé de soutenir des usagers non juifs? Effectivement, ça nous est déjà arrivé. Parfois d'avoir affaire à des usagers non juifs, aussi bien de confession musulmane, ça m'est déjà arrivé, de confession chrétienne, mais également parfois des gens athées qui venaient nous voir et on discutait ensemble et ils aimaient bien nous écouter, ils aimaient bien avoir la présence d'un rabbin. Et il y en avait un qui m'avait fait une fois une référence à Lévinas, qui disait qu'en fait la religion juive était la religion qui se rapprochait le plus de l'athéisme. Et donc d'une certaine manière il m'a dit cette réflexion que Lévinas avait, j'avais envie de vous parler parce que j'aime bien vous écouter, vous nous imposez rien, vous n'êtes pas là pour faire du prosélytisme, et donc d'une certaine manière vous écouter c'est aussi agréable parce qu'on échange entre hommes, on n'échange pas entre croyants, et donc c'est assez intéressant d'avoir un échange avec vous sans que vous m'imposez votre opinion ou votre point de vue. Jonathan Krief, quel est le quotidien d'un rabbin en hôpital public? Le quotidien d'un... Déjà, on essaye de savoir s'il y a des gens à les voir, premièrement. Deuxièmement, l'aumônier général des hôpitaux peut avoir des coups de fil, et donc il nous les relaye. Il y a également le consistoire de Paris qui peut également avoir des coups de fil ou des mails de famille. Et également, les autres aumôniers, soit juifs, soit d'autres cultes, nous appellent, nous sollicitent pour dire effectivement, nous sommes passés dans un service et il y a un coreligionnaire qui aimerait ou une coreligionnaire qui aimerait te voir pour parler, pour avoir la présence d'un aumônier de ton culte. Rabbin Jonathan Krief, qu'est-ce qui fait la spécificité des pratiques des croyants juifs en hôpital? De quoi ont-ils besoin pour exprimer leur foi? En ce qui nous concerne, il y a plusieurs choses. Par exemple, des gens qui sont pratiquants, qui célèbrent le Shabbat. Les aider à faire en sorte qu'ils puissent célébrer le Shabbat. C'est quelque chose qui revient quand même une fois par semaine. Donc vous imaginez, il y a des gens qui sont quand même plus ou moins pratiquants et qui aimeraient qu'on les aide à ce qu'ils puissent célébrer le Shabbat. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a également les fêtes religieuses. Il y a beaucoup de fêtes religieuses qui rythment la vie d'un juif dans le calendrier. Et il faut être aussi présent. Donc, c'est quelque chose qu'on prépare en amont. Encore un autre point, c'est les barquettes cachères. Il y a quelques temps, on travaillait avec un diététicien pour essayer de faire en sorte que les barquettes soient pas seulement une barquette cachère, mais qu'elles soient bonnes. Ça, c'est important. Mais ces barquettes cachères, elles sont fabriquées en dehors de l'hôpital et elles sont livrées par une association ou... Oui, alors en fait, il y a un marché. L'hôpital, en fait, a des grilles de sélection. Donc en fait, on leur propose une palette d'entreprises qui font du cachère. L'hôpital sélectionne par rapport à plein de critères, hein, et aussi l'argent, faut pas oublier, savoir si le coût que ça va leur revenir, et surtout que ça remplisse des normes par rapport aux patients, sans sel, etc. etc. Bon, il faut qu'il soit un produit convenable. Est-ce que les patients, les usagers ont des demandes particulières envers l'hôpital qui ne sont pas satisfaites ou qui le sont d'ailleurs? Je pense par exemple à des questions liées à la possibilité de faire la prière. Enfin. Aujourd'hui, ils sont acceptés de pouvoir faire leur prière dans leur chambre. Ça ne pose pas de problème. Je leur explique comment faire dans la chambre parce qu'il faut en direction de la Mecque. Je leur montre. Ceux qui ne peuvent pas le faire debout, ils peuvent le faire allongé dans le lit, assis sur le fauteuil, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont avec une perfusion, qui ne peuvent pas faire les ablutions avec de l'eau, alors je leur ramène une pierre pour faire les ablutions sèches. On partage ces moments de la religion avec le malade dans la chambre très très bien. Comme je vous ai dit, c'est simplement qu'il est dommage que nous n'avons pas juste une salle de prière pour les familles. Les familles souffrent beaucoup parce que j'ai reçu, comme la dernière fois, j'avais une maman qui avait son fils qui a été hospitalisé pendant plus de 6 mois et qui voulait faire ses prières et se recueillir pour prier pour son fils. Et elle restait avec lui dans la chambre et elle me disait, bon, des fois je l'emmenais ici dans mon bureau pour qu'elle puisse faire sa prière, mais c'est pas possible de ramener tout le monde dans mon bureau pour qu'elle puisse faire leur prière. C'est en discussion, ça ? Oui, j'en ai parlé plusieurs fois avec le directeur. C'est un peu compliqué, un peu difficile. Je patiente et comme je dis, chaque chose en son temps, quand elle viendra, la salle de prière, quand elle sera là. Je sais que j'aurais fait une très bonne chose à l'hôpital. Cécile, vous êtes infirmière ici, à l'hôpital Cochin. Comment vivez-vous la présence des aumôniers à l'hôpital ? Plutôt comme un soutien ? En fait, les gens qui sont hospitalisés sont là à un moment de leur vie où le statut même de leur vie est remis en cause. Et souvent, on entend les gens, non, mais la foi, on verra plus tard, là, pour le moment, on n'a pas le temps, on est dans la vie. Et quand la vie se mélange avec la maladie grave et voire se peut profiler la fin de la vie, les gens reviennent un petit peu à l'origine de la vie et essayent de revenir vers ce qui fait qu'ils sont là aujourd'hui. Et du coup, ils ont besoin de réfléchir à ce que c'est la foi. Et moi, en tant qu'infirmière, je suis chrétienne, mais, et ça m'appuie dans ma pratique, bien sûr, mais j'aurais autant d'attention si c'est quelqu'un qui a besoin du pasteur, du prêtre, ou même de l'imam, ou la présence islamique et du rabbin. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et là, c'est un peu la difficulté d'infirmière, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas sous une casquette qui serait la mienne et qui est l'appui. Bon, déjà, je crois pour toutes ces religions à un Dieu qui est le même et qui est universel, donc ça simplifie les choses. Mais du coup, ça me permet de pouvoir proposer à quelle que soit la personne suivant sa religion, l'appui de l'un ou de l'autre. Vous savez, lorsque vous vous retrouvez à l'hôpital, vous posez plein de questions. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Comme on dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, hein ? Et on essaye, dans la mesure du possible, de la répondre. Alors, on ne peut pas dire qu'on a les clés de réponse, surtout, hein, parce que ça voudrait dire qu'on est Dieu. On n'est pas Dieu, hein, on est juste des hommes. On essaye de les accompagner, on essaye de les écouter, parce que souvent, ce sont des gens qui ont besoin à ce qu'on les écoute. Hein, c'est aussi ça. Hein. Vous avez des gens ici qui ont besoin de parler. Ce que j'ai pu observer depuis quelques temps, c'est que parfois vous avez des gens qui sont à l'hôpital et qui sont tout seuls. Soit ils n'ont plus de famille, soit ils ont des familles mais qui sont très loin, qui habitent pas, qui sont pas proches. Et donc du coup, l'aumônier a un rôle très important. C'est que d'une certaine manière, il devient un peu la famille, mais il le devient un petit peu malgré lui ou on le fait parce qu'on aime ça aussi, surtout. Et voilà, d'une certaine manière, on est un peu ces familles-là. Cette famille que la personne n'a pas ou qui ne vient pas souvent pour diverses raisons. On n'est pas là pour culpabiliser personne. Mais c'est vrai que je trouve que la présence des aumôniers est de plus en plus importante, surtout dans une société de plus en plus individualiste. Et je crois qu'à l'hôpital, on le voit de plus en plus où vous avez des gens très seuls, parfois même trop seuls. Et le fait qu'il y ait un aumônier qui vienne les voir, qui s'occupe d'eux, qui parle avec eux, ça leur donne une source d'espoir. Moi, je ne peux pas, parce que je suis dans un établissement laïque, déjà, je ne peux pas mettre en avant ma foi pour soigner, et je ne peux pas négliger d'autres religions qui ne sont pas la mienne. Donc c'est pour ça que je me mets sous le couvert de Dieu, qui est d'ailleurs le même Dieu pour les quatre aumôneries. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en tant qu'agent du service public, vous avez un devoir de neutralité. C'est ça, en fait, que vous voulez nous dire. Voilà. Mais neutralité, ça ne veut pas dire qu'il faut faire abstraction de ce que les gens ont besoin. Parce que des fois, quand il y a ou une petite image, ou une petite croix, parce que quand quelqu'un est malade, il y a toujours quelqu'un qui, s'il y a quelqu'un, une grand-mère qui est croyant, ou un ami, paf, il va amener une petite image, un petit truc. Et du coup, un signe presque imperceptible de, j'allais dire, la présence de Dieu dans la chambre, qui est amenée par quelqu'un d'autre, pas forcément à l'origine. Et du coup, ça permet quand même de leur demander, leur dire qu'il y a une présence ici, que s'ils veulent voir, s'ils veulent discuter, s'ils veulent approfondir ou pas. Hein. Et c'est rarement... c'est jamais mal pris. Et c'est souvent réfléchi, souvent accepté même. Mokhtar Dergal, quel est votre parcours d'aumônier? Ça fait pas très longtemps que vous exercez cette fonction. Oui, bien sûr. Avant de parler, je suppose, de mon parcours d'aumônier, je vais parler de... J'ai quand même une vie avant mon parcours d'aumônier. J'ai passé une licence en sciences éco. J'étais spécialisé en sciences financières. Mais voilà, ça, par rapport à mes convictions religieuses et certaines raisons personnelles, je n'ai pas continué dans cette voie. Du coup, j'avais un hobby par rapport à tout ce qui est électronique et électrotech. J'ai commencé au bas de l'échelle. J'étais monteur câbleur contrôleur. Et petit à petit, je suis monté au niveau, 10 années après, en fait, je suis monté au niveau d'ingénieur en électrotech. Mais j'étais pas satisfait de mon parcours, du fait que je suis très proche de l'humain, on va dire, d'une certaine manière. Je faisais beaucoup de bénévolat et je me suis dit, il faut que je me trouve quelque chose qui fait que je passe de l'autre côté pour me rapprocher de l'humain. Et en plus de cela, j'ai vu, il y a beaucoup d'imams autoproclamés par rapport à mon obédience. Ça me touchait énormément. Ayant des bases dans la religion, je me suis dit, je confirme mes bases en passant des diplômes. Du coup, j'ai passé un diplôme d'aumônier. Je l'ai eu il y a 3 ans de cela. Et puis j'ai passé une licence en sciences islamiques. Du coup, on a passé un DU qui était très intéressant. On faisait de la sociologie, on a fait aussi du droit, et pas mal de matières profanes. Du coup, on compense entre le spirituel et le profane, et ça fait un très bon équilibre. Mokhtar Dergal, ce fameux DU, il devient obligatoire maintenant pour tous les aumôniers rémunérés. D'ailleurs, ce que je sais, c'est que par rapport, au départ, c'était obligatoire pour les musulmans, les aumôniers musulmans. C'était, ils l'ont au fait validé avec le ministère de l'Intérieur, et c'est en octobre 2017 qu'il est devenu obligatoire. Mais d'après ce que je sais, c'est que il y a une proposition au Sénat par rapport aux autres obédiences qu'elle passe aussi le DU. Je suppose que ça serait bien, même pour les autres obédiences, comme ça on sera en parallèle tous et on avancera dans le bon sens. Alors, comment concevez-vous votre rôle d'aumônier au sein de l'hôpital et quelle conception également avez-vous de ce métier au regard des principes de la laïcité ? Je commencerai par les patients d'abord, parce que souvent, en fait, je travaille beaucoup avec des patients qui sont en fin de vie. Ils ne vont pas regarder ni le droit, ni la loi, ni quoi que ce soit. Ils sont dans leur, on va dire, leur douleur et on essaie d'accompagner le patient et la famille, parce que c'est aussi la famille qui est derrière, qui souffre. Donc les principes de la laïcité, nous, on les respecte en tant qu'aumônier, mais le patient lui-même, voilà, quoi, on ne peut pas... Le poste que vous occupez actuellement a été créé il y a seulement 18 mois. Vous sentiez une soif de cette présence à votre arrivée? Au départ, par rapport à monsieur le directeur et le staff qui l'accompagne, donc oui, ils avaient cette demande qui était importante, ayant une forte population d'origine ou d'obédience musulmane sur Melun et les Mureaux. Oui, il y avait cette approche-là. Mais ceci dit, en fait, après, quand on va se présenter, après, c'est normal, ça se comprend, on est une aumônier qui est jeune, voilà. Il y a des gens qui peuvent être réticents, même si c'est la loi. Au départ, il y a des gens qui ne connaissent pas la loi aussi. Hein. C'est ça le souci. C'est que voilà. Et ça, c'est en général, c'est l'être humain, c'est comme ça, quoi. Il suffit d'aller dans un village au fin fond de la France quand vous ne connaissez pas. Voilà, les gens sont réticents. Voilà, c'est. Thank you. on a discuté avec les soignants, avec les médecins, nous nous sommes aperçus que la réflexion s'était plus faite sur l'implantation de l'hôpital au sein des quartiers, par rapport au personnel aussi qui y travaille. Et est-ce que, ce qui m'a dicté, c'est est-ce que la présence d'un aumônier musulman peut permettre un exercice apaisé, en quelque sorte l'aumônier musulman ou l'aumônier catholique agit comme un entremetteur qui décrypte le fonctionnement hospitalier, qui fait un peu l'intermédiaire entre le fonctionnement hospitalier qui est un fonctionnement régalien, d'ordre public, de respect de l'intimité, et la manière dont l'exercice religieux peut se dérouler. Je considère que voilà, on est resté sur quelque chose de respectueux des convictions à mon niveau, hein, des convictions de chacun. Alors, ça nécessite quand même de décrypter les choses, le port la dissimulation du visage, qui n'est absolument pas compatible avec l'exercice hospitalier. C'est très compliqué de prendre en charge quelqu'un qu'on ne peut pas reconnaître ou dialoguer. La prise en charge devant s'exercer par un professionnel de santé, qu'il soit homme ou femme, sans aucune discrimination, sans aucune... il est vrai que le corps médical se féminise de plus en plus, donc peut-être qu'il y a des choses qui se modifient insensiblement. Et puis, la religion, à l'hôpital, la religion, la foi doit être préservée. La religion ne peut pas primer sur le fonctionnement hospitalier. Ou alors, elle doit s'exercer dans un cadre qui va être en dehors du soin, à un autre moment et dans un autre lieu. Vivre sa foi à l'hôpital. Un documentaire de Catherine Escrive, réalisé par Rafik Zénine. Lecture, Olivier Martineau. Prise de son, Laurent Macchietti, Jean-André Giannichini. Mixage, Alain Joubert. Attaché d'émission, Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Perrine Kervran. Stagiaire, Pablo Jacquet. Croyant, athée, impie, hésitant, laïque ou laïcard, LSD, la série documentaire s'est terminée pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à l'hôpital, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter, quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs, et pour nous suivre, Twitter et même Instagram. Et la semaine prochaine, pour prolonger la série du cours de l'histoire, nous irons revisiter à notre tour la commune. Mais demain, à la même heure, c'est grand reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.